تستمعون إلى إذاعة التغيير. Merci de m'avoir invité. Alors bon, je vais être assez rapide parce que j'ai eu l'occasion de faire ça à plusieurs moments et ceux qui sont intéressés, ils peuvent retrouver tout ça dans Facebook ou dans YouTube. Bon, ce qu'il faut, à mon avis, retenir concernant les gaz de schiste, si on les compare ou les pétrole des schistes, parce qu'il y a aussi les gaz et les pétroles, si on compare ça au conventionnel, il faut retenir le point que ces pétroles de schiste se trouvent dans la roche-mère. C'est-à-dire que là où ils se sont créés, hein, c'est dans les argiles qui sont devenus par la suite durs, des véritables schistes, ils sont restés. Ou du moins, il y a une partie qui est restée, une autre partie qui est partie dans un réservoir. Donc, ce n'est pas du pétrole qui s'est emmagasiné dans un réservoir. Donc, il a quitté la roche-mère pour migrer, pour se déplacer vers une roche poreuse où il va être emmagasiné. Non, ce pétrole des schistes, il est resté sur place dans la roche-mère. Aussi, pour l'exploiter, il faudrait des forages, bien sûr. Et en plus, il faut fracturer. Fracturer, c'est-à-dire, en fin de compte, casser la roche in situ, à l'intérieur, là où elle est, pour pouvoir libérer toutes les petites gouttelettes de pétrole ou de gaz qui sont emprisonnées dans cette roche. Et c'est en cassant ça. Et jusqu'à maintenant, la technique pour casser, si vous voulez, fracturer, comme on dit, c'est l'utilisation de pompes qui sont très puissantes et on envoie de très grosses quantités d'eau avec des produits qui généralement sont connus, ils sont toxiques et bien sûr de très grandes quantités d'eau. On parle de autour de 20 millions de litres par puits. Donc, voilà, si vous voulez, la technique actuelle. Bon, pour moi, oui. Oui, c'est M. Actouf. Ah, M. Actouf, excusez-moi, M. Saad, là, je souhaite juste... Je ne savais même pas qu'il fallait cliquer sur l'icône verte. Je viens de le faire. Les joies de la technologie. En fait, M. Actouf m'a expliqué qu'il n'utilise pas en général Skype et qu'il a mis Skype juste pour participer avec nous. Et oui, je tenais à vous remercier, M. Actouf. Oui. Ah ben, marhaba avec M. Omar Actouf. Monsieur Actouf, je reviendrai à vous juste après l'introduction que nous fait Dr. Sadla. Très bien. Merci beaucoup. Bon, je continue. Donc, pour nous, pour l'Algérie, dans le contexte géologique de l'Algérie, du Sahara, le gros problème, le numéro un, c'est qu'on risque de polluer les réserves d'eau, surtout de l'Albien. Bon, il faut bien se mettre dans la tête que c'est des réserves fossiles. Elles ont été, c'est de l'eau qui a été emmagasinée pendant une période très ancienne et qui n'est pratiquement pas renouvelée du tout. Donc, à partir du moment où on risque de polluer cette réserve d'eau, c'est irréparable. Par exemple, si je prends le cas du grand accident qui a eu lieu dans le golfe du Mexique, le puits de Bacondo avec la British Petroleum, BP. Bon, ça fait à peu près 5 ans, on estime que, en gros, tous les dégâts dans l'environnement sont en train de se réparer. La nature est en train de se réparer. Bien sûr, ils ont nettoyé, ils ont fait tout ce qui était possible. Il faut retenir que BP a payé, a dépensé presque pratiquement 30 milliards de dollars. Et cet accident a failli mettre BP en faillite. Donc, vous voyez un peu ce type d'accident qui peut être très fringant. Dans ce cas-là, on parle de milliards et de plusieurs années pour rattraper cet accident. Mais pour le Sahara, pour le cas des réserves d'eau de l'Albia, c'est irréparable. C'est ça la grande question. Alors pour moi, c'est le problème numéro un. Bon, il y a aussi les autres, c'est pas rentable, c'est etc. Mais à mon avis, tout ceci est secondaire. C'est pour cela que, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler de ce problème, je dis tout simplement qu'il faut prendre le temps pour faire de la recherche-développement en Algérie, hein, et suivre de près ce qui se fait dans le monde pour petit à petit se faire une idée et petit à petit voir ce que les progrès techniques et scientifiques vont apporter. Parce qu'en Algérie, nous ne sommes pas dans la précipitation pour aller tout de suite au pétrole des schistes. Et il faudrait que cette recherche-développement se fasse dans la transparence, pas seulement à l'intérieur de Sonatrach, mais Sonatrach, les universitaires, des gens de l'étranger, et avec une large coopération entre eux, et en même temps, bien sûr, informer au maximum le public. Très bien. Monsieur Sadla, si je peux me permettre, si je peux me permettre de vous arrêter juste pour une petite question à ce propos, parce que effectivement, on a vu aussi les autorités algériennes qui ont annoncé le fait d'aller vers l'exploitation du gaz de schiste. Ils disent aussi que, en fait, ce qu'ils veulent faire, eux, c'est faire de la recherche, des études. Ils disent, selon les déclarations du Premier ministre, et encore, toutes leurs déclarations ne sont pas cohérentes. On a un ministre de l'énergie qui dit des choses et un premier ministre qui dit autre chose, mais ils ont entre autres dit que ils ne vont pas aller vers cette exploitation avant 2022, si je me rappelle bien de la date annoncée par le premier ministre, et ils disent que pendant cette période-là, on va l'utiliser pour faire de la recherche. Et pour faire de la recherche, ils disent, nous sommes obligés d'aller creuser des puits et faire de la fracturation hydraulique. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, puisque vous dites qu'effectivement, il nous faut une période pour faire de la recherche. Oui, il faut faire de la recherche, ça veut dire il faut faire les forages, mais il ne faut pas faire la fracturation. Hydraulique ou bien, ce qu'ils ont parlé dernièrement, d'utiliser le fluor au propane. Bon, ça, cette méthode de fluor au propane, elle n'est pas sortie des laboratoires. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu un article qui dit qu'elle a été utilisée dans un gisement quelque part dans le monde. Donc ça, il n'est pas question pour le moment. Est-ce qu'il y a moyen de faire de la recherche? En fait, excusez-moi, j'invite juste les amis qui sont dans la conférence à nous suivre sur Skype et fermer la radio sur vos ordinateurs, s'il vous plaît, parce qu'en fait, on a un double écho. On entend le retour là, et en fait, on va s'écouter juste sur Skype, et en principe, ça va être net. Très bien, ouais, c'est vrai. Très bien. Et Monsieur Sadla, est-ce qu'il y a moyen de faire de la recherche sans prendre des risques sur la nature, du moins sans prendre de gros risques sur la nature? Absolument. Il ne faut pas faire la fracturation, c'est tout. Tout le reste, c'est-à-dire, par exemple, faire des forages pour connaître l'étendue, que ce soit du silurien ou d'une autre formation de schiste qu'on suppose contenir du pétrole ou du gaz. À ce moment-là, on peut uniquement faire le forage, retenir prélever des échantillons, ou faire y compris des carottes, et au laboratoire, recueillir au laboratoire les pétroles et les gaz qui existent dans ces échantillons. Parce que le problème, on dit qu'il faut faire une évaluation, pour cela il faut faire la facturation. Non, je ne suis pas d'accord. Une évaluation reste toujours une évaluation. C'est jamais une mesure précise. D'accord. Donc, ça peut se faire au laboratoire et il s'agirait de voir combien il y a de gaz qu'on peut libérer en fracturant la roche. Ça, on peut le faire en laboratoire. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Je voulais qu'on commence par là, qu'on commence par le commencement, c'est-à-dire, du moins, selon ce, à mon avis, c'est-à-dire quel problème pose l'exploitation du gaz de schiste. Et je vous pose à vous, docteur Aktouf et Sadla, c'est qu'est-ce que, c'est-à-dire, quel intérêt a l'Algérie à faire ce type d'exploitation de gaz et comment ils appellent ça, des gaz et des huiles de schiste. Quel intérêt on a alors à aller dans ce sens? Si je peux me permettre de... Ah, merci, c'est à moi. Moi, je pense que pour le moment, on n'a aucun intérêt. L'Algérie n'a aucun intérêt à se lancer comme ça dans les huiles et les gaz de schiste. Il y a beaucoup plus de priorités ailleurs. Déjà dans le conventionnel, l'exploration encore de tout le pays. Et puis, je vous ajoute une chose. Quand les compagnies, quand les pétroliers, de façon générale, dans leur prospection, trouvent un gisement de gaz, ils sont gênés. Parce que le gaz, s'il est loin des installations, il faut faire des calculs économiques, voir si ça vaut le coup d'installer un pipe pour aller jusqu'au prochain pipe, etc. Donc, souvent, quand on trouve un gisement de gaz, dans le conventionnel, je veux dire, souvent, il est mis sur une carte et on précise tout. On ne cherche pas à le développer. Alors qu'un gisement de pétrole, quel que soit l'endroit où il se trouve, le pétrole, on peut toujours le charger dans des camions-citernes et le transporter. Je vous cite l'exemple. Le gisement, comment il s'appelle, du côté de Sidi Issa, Gatrene, il a commencé, c'est un petit gisement, il a commencé à produire en 1948, quand j'étais encore en Algérie, à peu près 20 ans, il produisait encore. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une pompe, comme celle qu'on voit dans les photos du Texas, et il remplit un réservoir. L'installation, elle est automatique, il n'y a personne sur place. Et ce réservoir, admettons, il se remplit toutes les semaines, il y a un camion-citerne qui vient et qui remplit et qui s'en va. Donc vous voyez la différence. Donc au Sahara, c'est cette question-là qui existe. Donc, il faut continuer encore la prospection. Deuxième point très important, pourquoi tous ces gaspillages? Il y a des techniques qui ont été utilisées dans les années 50, c'est brûler ce qu'on appelle les torchères, c'est-à-dire du gaz, on a dans un puits qui produit du pétrole, on a du gaz, on ne sait pas quoi en faire, on le brûle. Ça, c'est une technique des années 50. Pourquoi continuer encore maintenant au Sahara à brûler ce gaz? C'est de la pure dépense. C'est du gaspillage. Donc, vous voyez, les priorités, elles existent. Ok. La même question à... on revient, en fait, c'est vrai, c'est une heure, en fait, l'émission, et on va essayer de finir, et moi, je voulais poser une dernière question à Monsieur Sadla, juste parce que on a parlé des problèmes que pose l'exploitation du gaz de schiste, et très vite, on a évoqué tout à l'heure tout ce qui était, que pouvaient être les alternatives, quelles seraient les alternatives à cette exploitation? Et dans le même ordre d'idée, une question qui veut que c'est quoi, c'est-à-dire comment faire? Est-ce que c'est possible dans le cas algérien de sortir de l'économie de rente telle qu'elle est faite actuellement? Elle tourne autour du pétrole et on a vu l'Algérie fonctionne autour de son attraque. Si son attraque ferme demain, il n'y a plus d'Algérie. Est-ce que on peut imaginer un avenir sans pétrole ou là en sortant de la prison hadith al pétrole? Question à Dr Sadla. Je laisserai les autres s'ils veulent faire un commentaire sur ça, puis on arrêtera l'émission. C'était déjà très intéressant. Oui, avec ça, Samir. Bon, les alternatives, فاهمين في الحق on les connaît. Bien sûr, ça nécessite une alternative. C'est pas un bouton, c'est pas un clic tout de suite. Et c'est un processus. Il faut commencer. Par exemple, je prends le cas de l'énergie solaire. Bon, il faut passer par ce qu'on appelle une étape de recherche-développement. C'est-à-dire qu'il doit être fait sur place par des Algériens qui soient dans des institutions de l'État, comme les universités ou les centres de recherche, en collaboration avec des pays où il y a déjà une expérience. Et on essaye différentes méthodes. Il y a par exemple en Espagne, ils fabriquent, ils produisent des algues, parce qu'avec le soleil et l'eau, on peut avoir des algues. Ailleurs, un procédé allemand qui consiste à faire une espèce de tour et à avoir une turbine, parce que l'air chaud monte et donc ça crée un courant d'air et ça fait tourner une turbine qui donne l'électricité. Dans un autre endroit, c'est la chaleur qui fait fondre du sel, etc. Bon, il y a plusieurs procédés, mais il faut les pratiquer sur place. Il faut mettre des panneaux solaires, produire de l'électricité sur place, alimenter un petit quartier, voir comment emmagasiner cette énergie solaire pendant la journée, le surplus, pour pouvoir l'utiliser la nuit. Par exemple, dans les barrages, ça existe, dans les barrages en France et ailleurs, et en Norvège aussi, on produit l'électricité et le surplus d'électricité qui est produit par le barrage immédiatement et qui n'est pas utilisé, il est utilisé pour faire remonter l'eau. Donc, il y a une installation de pompe qui fait remonter l'eau dans le barrage. Et après, on la récupère pour faire tourner les turbines et avoir de l'électricité. Donc, la même chose. On peut faire, comme on dit, essayer par exemple un bassin à une certaine hauteur et puis on récupère l'eau pendant la nuit qui en chutant vers le bassin qui se trouve au ras du sol, à faire tourner une turbine. C'est ça, la recherche-développement. Donc, il faut s'y mettre tout de suite, comme on dit, et petit à petit, voir les résultats. Bon, l'autre question, c'est comment sortir de l'économie de rente. Bon, ça aussi, c'est un processus. C'est plaira depuis l'indépendance, on a négligé petit à petit et complètement abandonner l'agriculture. Maintenant, pour se relancer dans ce truc-là, dans ce domaine d'activité économique où on peut avoir beaucoup de main-d'œuvre, il y a de nouvelles ouvertures maintenant. Actuellement, en Europe, il y a un type d'agriculture qui est en train de se développer de façon incroyable. Et les gens qui se lancent là-dedans réussissent. C'est l'agriculture écologique, bio. Or, par exemple, il part du principe qu'on n'utilise pas de produits chimiques et qu'on n'utilise pas les serres qu'il faut chauffer. On utilise les serres naturelles. Donc, par exemple, un produit comme la tomate, il n'est pas vendu en dehors de la saison. Donc on revient à ce qui est tout à fait naturel, on consomme les produits de saison. Donc la tomate, alors qu'elle est en vente toute l'année, à cause produite par les serres électriques, ça, les biologistes, les écologistes veulent qu'on n'en veut plus. Or, si on parle d'Ain Salah, mais on peut la produire cette tomate. Et elle arrivera en hiver en Europe. Donc c'est un marché qui est tout près. Mais il faut la produire de façon écologique et c'est des organismes extérieurs qui contrôlent. Hein. Toutes les techniques sont connues maintenant. Hein. On n'a pas à mettre des produits, etc. etc. Tout se fait de façon naturelle et vous obtenez des produits qui sont de très bonne qualité. Et ça veut dire que la tomate de Ain Salah bio peut arriver sur le marché en Europe et elle sera la seule. Parce qu'elle peut arriver, comme on dit, en hiver. Je ne parle pas de la tomate qui est produite sur place en Europe pendant l'été et de façon bio. Vous voyez les niches qui existent. Ça, j'ai pris un exemple. Très bien, très bien. Et malheureusement, on a vu que dans la réalité, c'est l'Algérie qui importe tout, en fait. Elle importe le... Bien sûr. Donc, si vous voulez, on revient toujours. On a parlé un peu, le collègue, là, tout à l'heure, j'ai pas son nom en tête, Rahli. C'est Actouf, ouais. Non, celui qui était l'avocat. Voilà. Monsieur Ahmine, ouais, l'avocat. Ouais. Oui, je crois. Il est encore avec nous, s'il nous entend, je ne sais pas. Oui, monsieur Ahmine, oui. Il nous entend, mais un des collègues qui était dans le débat. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Ce que j'ai dit là maintenant, je ne suis pas le seul à le savoir, je ne suis pas le seul à le découvrir. Quand il y a une volonté politique, on découvre, on apprend, on cherche, même quand on ne sait pas. Mais quand il n'y a pas de volonté politique, quand il y a un système qui petit à petit, en fin de compte, pas petit à petit, mais il a pris une proportion énorme au cours de cette dernière décennie, depuis que Bouteflika a pris la tête, hein, c'est la corruption. Et la corruption, ça ne l'intéresse pas, le développement du pays. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent, Omar, de l'eau qu'on risque de polluer ou là? Eux, ce qu'ils veulent, c'est un projet où il y a beaucoup d'intervenants, un gros projet où il y a des milliards qui circulent et un bon pourcentage va dans leur poche. C'est ça leur but. Donc, chercher à développer le pays, chercher à faire ça, ça ne fait pas partie du tout de leur agenda, de leur préoccupation. Donc, si vous voulez, on peut toujours trouver les solutions techniques, scientifiques, adaptées. Il y a de ça des années, j'avais parlé d'un projet, je vais vous le présenter rapidement. Et l'ironie a fait que ce projet, que j'étais professeur à l'université encore à ce temps-là, à Bobsoir, il est passé, comme on dit, par des gens vers le haut, et il est passé aussi par le bas. Et il s'est rejoint, et en fin de compte, le résultat a été complètement négatif. Ce projet, c'est tout simplement, il y a une réserve d'eau perchée dans le Djurdjura, hein, énorme. Et j'ai dit qu'à partir de cette eau qui est dans le Djurdjura, on peut la récupérer facilement et par des canalisations qui descendent le long des lignes de crête, en passant par exemple par El Hammam ou Djihabat al-Alb al-Natiratan ou Djihabat al-Tizouzou. Les lignes de crête de la Grande Kabylie, elles sont toutes en deux directions nord-sud. Et elles viennent buter contre le Djurdjura qui est est-ouest. Donc on peut alimenter en eau toute une série de petites villes, je dirais plus des villages, mais de petites villes, par gravité, sans aucun pompage. Or, la technique classique qui est utilisée, qui continue à être utilisée, c'est on va chercher l'eau dans les plaines, donc dans la plaine de Sebaou, Tizouzou, et puis par pompage et château d'eau successifs, on le fait monter jusqu'à des hauteurs qui font presque 1000 mètres d'altitude. Vous voyez? Mais ce projet, il n'a intéressé personne. Je parle des gens qui sont dans les institutions de l'État, mais il faut qu'ils aient la tête. Pourquoi? Parce que, ils ont eu l'habitude de faire comme ça, une espèce de bureaucratie, etc. Et comme vous disiez tout à l'heure, ils ont d'autres priorités, Houma. Exactement. Alors, درك تهضر ولا تفهم سا باس ا كوتي كي تهضر له حاجه ويشوف فيها بلي كاش ما يدخل في الجيب هذيك ديرها هذيك سا لانتيريس كي تهضر له بوغ اميليوري النيفو هنا ولا تسقم ليه ولا هاد الناس اللي ساكنين فيها الدشره ولا يقول لك خلينا هذا راه يخرب اوفا سيتي مي كوم كوا لو بروبليم اي فوندامونتالمون بوليتيك ا لا باز. Ah oui, absolument, absolument. Mais c'est à travers les luttes qui m'a adoué les luttes. Les gens d'Ain Salah, à terme Saha, ce sont les seuls qui tiennent. Il y a un peu d'aide, un peu partout, mais ce sont eux jusqu'à maintenant, ça fait 4 ans la faillite, moi je leur tire chapeau. Vraiment à terme ça. Très bien, très bien. J'espère que le message il est arrivé, mais j'ai vu les infos que tu as rejoint le mouvement Tahoum, tu les as soutenus, conseillés, etc. Donc, et puis le message il est passé.